Exilé à l'île d'Elbe en 1814, Napoléon Bonaparte décide de retrouver sa place sur le devant de la scène politique française et de reconquérir son trône. Le 1er mars 1815, il débarque en France à Golfe-Juan, accompagné d'un millier de fidèles devant lesquels il fait cette proclamation restée célèbre. L'aigle aux couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. En mémoire de cette épopée, on appelle aujourd'hui Route Napoléon les chemins suivis alors par l'empereur et ses hommes. Suivons cet axe historique en compagnie de Véronique Bourret. Lorsqu'il débarque à Golfe-Juan, Napoléon a dans l'idée d'atteindre Paris au plus vite en évitant de combattre les troupes du roi Louis XVIII. Il décide donc de passer par l'intérieur et les montagnes. Ainsi est née la route Napoléon qui traverse la Provence et les Alpes de Golfe-Juan à Grenoble, en passant par Grasse, Digne et Gap. L'empereur parcourra 324 km en 6 jours et entrera aux Tuileries le 20 mars, conformément à ses prédictions. L'actuelle route Napoléon, la route nationale 85, a été inaugurée en 1932 et permet chaque année à des milliers de touristes de découvrir des sites témoins d'une page mémorable de l'histoire du 19e siècle. Créée en 1969, l'ANERN, l'Association nationale des élus pour la route Napoléon, se consacre à la sauvegarde et à la promotion de cet axe. Elle a notamment mis en place une signalisation routière spécifique, unique dans le réseau national, la signalisation Aigle, que l'on remarque à l'entrée des villes situées sur la route Napoléon et aux sorties des autoroutes qui y conduisent. Aujourd'hui encore, les traces de cette épopée napoléonienne sont nombreuses. Sur le vieux port de Valoris-Golfe-Juan, on peut voir un petit monument recouvert d'une mosaïque représentant un aigle et cette simple phrase rappelant l'événement « Ici débarqua Napoléon le 1er mars 1815 ». À Cannes, dans une petite rue perpendiculaire à la croisette, à deux pas du Palais des Festivals, une plaque signale le début de la route Napoléon qui prend la direction de Grasse, la capitale du parfum. Malgré une arrivée très matinale, la population locale se déplaça en masse pour accueillir l'empereur. On lui offrit des violettes et du vin à ses soldats. À Saint-Vallier-de-Thiers, une colonne a été érigée à l'endroit où Napoléon s'était arrêté le 2 mars et l'arbre sous lequel il se reposa est toujours là. Juste après Digne, cité réputée pour la culture de la lavande, on retrouve une autre trace de son passage, le 5 mars, une inscription à peine lisible qui semble écrite en provençal sur une pierre d'une vieille bâtisse de campagne. Et à Sisteron, il prit son déjeuner à l'auberge du Bras d'Or. Une plaque en marbre vert des Alpes rappelle son entrée triomphale à Gap. « Enfin, nous sommes vraiment en France !» s'était exclamé Napoléon. En remerciement, il offrit à la ville le fanion des tirailleurs corses et au département des Hautes-Alpes une somme de 50 000 francs pour la création de refuges de haute montagne. Tout au long de cette route qui porte aujourd'hui son nom, on peut suivre l'empereur Napoléon à la trace sans risque de se perdre, tant son souvenir est omniprésent. Arrivé à Grenoble le 7 mars, il se reposa pendant 2 jours à l'hôtel des Trois Dauphins, aujourd'hui Auberge Napoléon, avant de repartir pour Lyon et de rejoindre ensuite les Tuileries. Napoléon a dit de cette épopée « Jusqu'à Grenoble, j'étais un aventurier, à Grenoble, j'étais un prince ».